إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 36 dans l'explication du sharh de Al-Usul al-Salata avec le sharh du Cheikh Salih al-Fawzan. Hier on a expliqué donc Al-Ihsan, le perfectionnement de la foi, le perfectionnement, le niveau de la perfection ou du perfectionnement de la foi. Et on a expliqué que, et c'est avec ça que j'aimerais commencer, parce que hier on a mentionné qu'il y a certains groupes d'égarements, comme par exemple les sectes soufis, qui disent que Al-Ihsan c'est le soufisme. D'accord? Et j'ai mentionné quelques exemples d'égarements qu'ils font et des principes qu'ils ont qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna, et on a montré donc que Al-Ihsan ça ne peut pas être le soufisme, puisque le soufisme est en contradiction avec l'islam. D'accord? Et donc, parfois, vous allez entendre de la part des soufis quelques explications de leur part lorsqu'on leur demande qu'est-ce que c'est le soufisme, et ils vont mentionner quelques personnalités qui ont été très pieuses parmi les musulmans des premiers siècles. Ils vont dire que ces gens-là, c'était des hommes très très pieux, donc quand on parle du soufisme, on se réfère à ces hommes-là. Hein? Donc nous on dit, si c'est à ces hommes-là donc que vous vous référez, il faut savoir une chose, c'est que si vous parlez de ça comme étant le soufisme, c'est-à-dire ces hommes-là qui étaient très pieux parmi les premiers musulmans et qui faisaient beaucoup d'efforts dans l'adoration, puis qui faisaient, disons qu'ils ne donnaient pas, ils donnaient pas beaucoup d'importance aux aspects de la vie d'ici-bas. Il donnait plus d'importance aux choses de l'au-delà. Hein? Et que pour vous, c'était ceux-là que vous désignez lorsque vous parlez, par exemple, des soufis. Eh bien, il faut bien comprendre une chose. C'est que même si peut-être à l'origine, vous désignez ceux-là comme étant eux les soufis, il faut savoir que par la suite, le soufisme s'est dégénéré. Il est devenu quelque chose d'autre que ça. Lorsque on a mélangé des philosophies étrangères à l'islam avec le soufisme, c'est devenu quelque chose d'autre. Et c'est devenu une porte parmi les portes de l'égarement par la suite. Hein? Et donc, chaque cheikh ou chaque, disons, soufi a commencé à fonder sa propre voie ou sa propre tariqa, et à ramener des choses qui sont en opposition avec le Coran et la Sunna dedans. Et donc ça c'est d'un point de vue. Donc il faut savoir que le soufisme, c'est plus qu'est-ce que vous prétendez. Hein? Donc si vous dites il y a un bon soufisme et il y a un mauvais soufisme, comme certains le font, par exemple avec Ramadan et d'autres, ils disent non, il y a un bon soufisme, il y a un bon soufisme, un vrai soufisme qui est en accord 100% avec l'islam, puis il y a un mauvais soufisme qui est, avec des innovations, comme lui il mentionne souvent l'exemple d'un soufisme qui est un soufisme new look ou t'as pas besoin de prier, t'as pas besoin de jeûner, t'as pas besoin de ci ou ça. Donc déjà là, ça cause un problème. Puisque ça veut dire que ce mot soufisme peut impliquer quelque chose de vrai, comme il peut impliquer quelque chose de faux. Donc le mieux, c'est d'éviter d'utiliser ce terme. Et de dire plutôt hein, que tout ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna, c'est ça qu'on doit suivre. Et tout ce qui est en contradiction avec le Coran et la Sunna, on doit le rejeter, peu importe. Hein. Et ne pas ramener des termes qui ne font même pas partie du Coran ni de la Sunna pour distinguer entre les musulmans. Puisque ça rentre dans la division, la déviation et l'innovation. Hein. D'accord. Et en même temps, ce que certaines personnes vont critiquer par rapport au soufisme, certaines personnes vont dire non, ça c'est pas le vrai soufisme. Le vrai soufisme, c'est ça. Le vrai soufisme, c'est ça. Déjà, entre eux, les soufis, ils sont pas d'accord entre eux, puisque chacun amène des choses nouvelles de chaque côté. Hein? Donc, certains vont dire non, ça fait pas. Comme par exemple, Tariq Ramadan, il dit, t'as pas besoin de prier. Hein? Les soufis qui sont le soufi New Look, qui est, selon lui, qui est pas le vrai soufisme, il dit, t'as pas besoin de prier. T'es 24 heures sur 24 avec Allah. Donc, il dit, ça c'est pas le vrai soufisme. Le vrai soufisme, c'est de faire plus d'efforts. Eh bien, d'autres soufis qui sont reconnus par toutes les turuqs, eux disent que si tu as atteint un certain degré de piété et un certain niveau dans la foi, à un certain moment donné, les obligations tombent et tu n'es plus obligé de faire les obligations religieuses. Hein? Ça c'est... La majorité des soufis, ils ont cette notion-là. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Comment ça se fait qu'il y a ces contradictions-là entre les soufis eux-mêmes? C'est que, déjà à la base, le soufisme, il n'est pas défini comme étant une chose spécifique et précise par les soufis eux-mêmes. C'est quelque chose qui est secret et caché. Et qu'il y a différents niveaux et il y a différents degrés dans le soufisme. Donc, il y a un niveau pour les initiés, les tout nouveaux, ceux qui commencent, on leur fait croire ou on leur fait comprendre que d'être soufi, c'est de suivre à la lettre le Coran et la Sunna et juste de faire plus d'efforts dans l'adoration. Ça, c'est pour les débutants, pour les premiers. Mais du moment que quelqu'un est rentré avance plus profondément dans le soufisme, là, on lui apprend petit à petit des choses qui sont différentes. C'est pour ça qu'il y a, en réalité, il y a plusieurs soufismes. Il y a un soufisme en apparence, que les soufis montrent seulement aux étrangers, ou à ceux qui ne sont pas soufis, ou à ceux qui sont nouveaux, pour ne pas les effrayer ou les faire fuir. Puis il y a d'autres soufismes qui sont des degrés différents, qui sont montrés uniquement à ceux qui sont avancés dans les degrés d'égarement du soufisme. Mais ça, il te le montre pas du premier coup, il te le montre seulement par la suite, lorsque tu as montré que tu étais vraiment endoctriné à fond dans le soufisme, là, il te dévoile ces petites affaires-là qui sont pour eux des secrets. Hein, parce que chacun d'entre ces chers soufis prétend détenir de la part d'Allah un secret. Hein, et quand ils parlent de leur chair, même dans leur site, ils le disent, dans leur site, des sites soufis, ils disent, notre cheikh a détenu le secret divin. Il a le astir, hein, il a le secret. Donc, on ne peut pas nier ces choses-là, puisque ces choses-là sont écrites et mentionnées dans leurs livres, dans leur site. Hein. Donc, qu'est-ce que Tariq Ramadan essaie de faire en distinguant entre qu'est-ce qui est soi-disant, selon lui, le vrai soufisme et le faux soufisme? Nous, on dit, on n'a pas besoin de dire soufisme à la base. Nous, on est musulmans, on suit le Coran et la Sunna, et on suit le Coran et la Sunna selon la compréhension de nos salafs salih, c'est-à-dire les sahaba, les tabi'in et les tabi'in. Tout ce qui est en accord avec ça, on l'accepte, et tout ce qui est en contradiction avec ça, on le rejette. Hein? Et étant donné que le terme soufisme crée une ambiguïté, et quelque chose de il y a une ambiguïté, quelque chose de flou, on le rejette complètement pour éviter le doute et l'égarement, comme ça on est clair. hein, on est clair. Donc ça c'est un point que je voulais mentionner qui est très très important pour éviter justement que certains se fassent tromper. Donc on peut diviser les soufis en deux catégories si on veut. Hein, il y a les soufis extrémistes qui sont déviés dans les fondements de l'islam, ceux-là sont, hein, la plupart sont en dehors de l'islam à cause de leurs croyances qui sont des croyances païennes ou des croyances de shirk, qui ressemblent à celles des chrétiens ou des hindous ou des bouddhistes, hein, ceux qui croient qu'en faisant beaucoup d'adoration, ils deviennent tellement pieux qu'à un moment donné, ils deviennent des semi-divinités ou qu'ils deviennent un avec Allah ou des choses comme ça, ça c'est shirk, hein, ça c'est kufr. Et il y a un autre degré de soufisme qui est peut-être pas arrivé à cet extrême-là, mais qui est quand même dans la bid'ah. Ça, c'est les soufis qui s'assoient en rond, qui font les chants, qui font les danses, qui font la musique religieuse, hein, qui pensent que ça, ça les rapproche d'Allah. Alors que c'est des choses qui font pas partie, qui sont ni mentionnées ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Donc, soit qu'ils sont des mubtadi'ah déviés, soit qu'ils sont des extrémistes qui sont complètement éloignés de l'islam. Et ça, c'est la réalité de toutes les turqs soufis aujourd'hui. Ça, c'est un fait et c'est une réalité. Alhamdulillah, et les ulama ont parlé de ça. Les ulama d'Ahl-Sunnah wal-Jama'a, qui suivent la voie des salafs, ils ont mentionné ces choses-là et clarifié ces choses-là. Donc ça, c'est le point important que je voulais mentionner. Maintenant, on revient au point où on était arrivé dans le livre. La mention du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab des preuves au sujet de l'Ihsan dans le Coran. Hein? Les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la notion de Ihsan dans l'adoration. Donc il dit comme preuve, il a mentionné trois versets. Le premier verset c'est le suivant. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 128, dans surat An-Nahl, le verset qui signifie, Allah subhanahu wa ta'ala est avec ceux qui craignent, qui ont at-taqwa, qui ont la piété, et ceux qui sont muhsinoun, c'est-à-dire qui font preuve d'ihsan dans leurs adorations, qui font preuve de bonté et de perfectionnement dans leur adoration, qui adore Allah comme s'il le voyait, ou bien qui reste conscient que Allah les regarde, hein, lorsqu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est avec eux. Ça c'est le premier verset. Le deuxième verset c'est de 217 à 220 dans surat Ash-Shu'ara, les poètes. 217 à 220 dans surat Ash-Shu'ara. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et mets ta confiance en le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. Celui qui te voit lorsque tu te tiens debout en prière, et qui voit tes mouvements parmi les gens qui se prosternent, wa taqallubaka fi sajidin, innahu huwa as-sami'u al-alim, il est certes l'audient et l'omniscient. Donc ça c'est les versets, dans ces versets-là, qui mentionnent donc le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit lorsque tu pries, et lorsque tu bouges dans ta prière, tu fais tes mouvements, recours, sujoud, hein, et que tu te tiens debout, ainsi de suite. Wa qawluhu ta'ala, et l'autre verset c'est le verset 61, dans surat Yunus. 61, dans surat Yunus, il dit, qawluhu ta'ala, وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit ici, yani que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que tu n'es pas dans une affaire en train de faire une chose quelconque, ou bien de réciter du Coran, ou bien de faire quelconque action ou travail, excepté que nous sommes témoins sur vous lorsque vous êtes en train de le faire. Et il n'y a rien qui échappe à ton Seigneur, même pas le poids d'une atome, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni plus petit que ça, ni plus grand, excepté que cette chose est écrite dans un livre clair. D'accord? Donc ça, c'est les preuves mentionnées par le Cheikh. Il va les expliquer, chacun de ces versets-là, il va mentionner l'explication de chacun de ces versets en détail. Il commence en disant, donc, هذا دليل المرتبة الأولى من الإحسان. Donc, le premier verset qu'on a mentionné, verset 128, dans Surat An-Nahl, c'est-à-dire les abeilles, eh bien, ce verset-là, c'est la preuve pour le premier des deux degrés de Al-Ihsan. C'est-à-dire, le fait que, yani, la personne adore Allah subhanahu wa ta'ala comme si elle voyait Allah subhanahu wa ta'ala avec ses yeux. Ça, c'est le premier verset qui prouve ce degré-là. C'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et Allah est avec ceux qui ont at-taqwa », c'est-à-dire qui ont la piété, qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et at-taqwa, on l'a expliqué plusieurs fois, qu'est-ce que ça signifie réellement. Parce que quand on le traduit en français, on dit la piété, la crainte d'Allah. Mais la réalité, c'est que at-taqwa, ça ne veut pas dire ça. At-taqwa, ça a une signification beaucoup plus large que ça. At-taqwa, ça veut dire que tu cherches une protection entre toi et le châtiment d'Allah. Tu cherches une protection entre toi-même et le châtiment d'Allah. Et c'est quoi cette protection? C'est de faire ce que Allah t'ordonne de faire par crainte d'Allah et de faire ce que Allah t'ordonne de faire par crainte d'Allah et de t'écarter de ce que Allah se prête. Non, de faire ce que Allah t'ordonne de faire par espoir en sa récompense et de t'écarter de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'interdit de faire par crainte de son châtiment. Ça, c'est la signification de at-taqwa, comme les ulama l'ont mentionné. Donc, at-taqwa, ça vient du mot wiqaya en arabe, qui veut dire une protection. Donc, at-taqwa, c'est que tu fais ce que Allah t'ordonne de faire par espoir en sa récompense et que tu t'abstiens de faire ce qu'il t'interdit de faire par crainte de son châtiment, avec une connaissance venant d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la révélation, dans les deux cas. Hein? Tu fais ce qu'il t'ordonne de faire par espoir en sa récompense et tu t'abstiens de ce qu'il t'ordonne, de ce qu'il t'interdit par crainte de son châtiment en te basant sur la révélation. Hein? Pour faire ça. Donc celui qui respecte cette définition-là, il est parmi les muttaqin. Il est parmi les muttaqin. Donc, le cheikh il dit, dallat al-aya, donc Allah est avec ceux qui ont at-taqwa et ceux qui sont muhsinoun, c'est-à-dire ceux qui ont al-ihsan, qui adorent Allah comme s'ils le voyaient. S'ils n'arrivent pas à l'adorer comme s'ils le voyaient, alors Allah les voit. Le cheikh il dit, dallat al-aya ala anna Allah ma'a al-muhsinin, wal-ladhina wa hum al-ladhina abadu Allah ka'annahum yarawnahu fa'inna Allah ma'ahum. ومعية خاصة فإن الله معهم معية خاصة معية النصرة والتأييد والتوفيق. Donc quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala est avec eux, avec les muttaqin et avec les muhsinin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est avec eux d'une manière particulière. Il est avec les muhsinin, c'est-à-dire ceux qui adorent Allah comme s'ils le voyaient, et il est avec eux d'une manière particulière dans le sens que il est avec eux en leur donnant la victoire, en les supportant et en leur donnant le succès. Ça c'est une ma'iyya, hein, spécifique et particulière. Pourquoi on dit spécifique et particulière? Parce qu'il y a une autre catégorie de ma'iyya. C'est quoi l'autre catégorie de ma'iyya, Issa? Peut-être que tu t'en souviens pas. On avait déjà expliqué dans d'autres cours, comme par exemple dans Al-Aqidatul Wasitiyya, on a dit qu'il y a deux ma'iyya. Quand on dit que Allah est avec ses serviteurs, il y en a deux catégories. Il y a une ma'iyya, le fait que Allah est avec ses serviteurs, qui est générale, et une qui est spécifique et particulière. C'est quoi? On a expliqué celle qui est particulière, c'est qu'il les supporte, qu'il leur donne la victoire et qu'il leur donne le succès. Maintenant, Celle qui est générale, c'est laquelle? C'est-à-dire le fait que Allah est avec ses serviteurs de manière générale. Barakallahu fik. Exactement. Donc c'est qu'il est avec toutes ses créatures, dans le sens qu'il est avec eux, dans le sens qu'il les voit, qu'il les entend et qu'il sait où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur, et il connaît leur situation et leur état. Donc ça c'est avec toutes les créatures, dans le sens que peu importe qu'elles soient parmi les muttaqin ou parmi les kuffars ou parmi les munafiqin, peu importe leur situation, il est avec eux, dans le sens qu'il les voit, il les entend et il sait qu'est-ce qu'ils font et où ils sont, et ainsi de suite. Donc dans ce sens-là, il est avec toutes les créatures, hein, par sa science, par son ouïe, par sa vue. Mais quand on dit qu'il est avec les muttaqin ou les muhsinin et ainsi de suite, ça c'est spécifique. C'est pas la même chose que de façon générale. C'est pas avec seulement avec la science, c'est pas seulement avec le fait qu'il voit ou qu'il entend ou qu'il sait, mais c'est spécifique dans le sens qu'il est avec nous, dans le sens qu'il nous supporte, il nous défend, il nous aide. C'est comme quand par exemple quelqu'un te dit bon, disons je m'en vais par exemple écrire un livre pour réfuter l'égarement par exemple de ceux qui adorent les idoles, et toi tu dis ben on est avec toi. Ça veut pas juste dire que on est avec toi physiquement, hein? Ça veut pas juste dire qu'on est avec toi dans le sens que on va rester avec toi. Non, ça veut dire on est avec toi dans le sens que on te supporte et on est d'accord avec ta position. Et ça c'est un point important donc à comprendre. Quand on parle du fait que Allah est avec sa création, c'est pas comme les soufis parfois l'expliquent. Eux, ils disent quand Allah est avec, ils essaient de faire croire que Allah est mélangé avec sa création et qu'il est avec eux, hein, par son être, par sa personne. Non, il est avec sa création tout en sachant qu'il est au-dessus de son trône, comme Allah il le dit dans plusieurs versets dans le Coran, Ar-Rahman wa 'ala al-'arsh istawa. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de son trône, et d'au-dessus de son trône, il voit tout, il entend tout et il sait tout. Il n'est pas mélangé avec sa création, hein. Et avec ses serviteurs pieux et avec les bienfaisants et les muhsinin, il est avec eux d'une façon encore plus particulière, c'est qu'il leur donne le support, l'aide, la victoire et le succès. Donc c'est de cette façon-là qu'on dit qu'il est avec eux, hein? Donc il faut bien comprendre cette signification-là. Ensuite, le cheikh il mentionne le deuxième verset ou la deuxième preuve, c'est les versets de 217 à 220 dans sourate Ash-Shu'ara. وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وهذا دليل المرتبة الثانية هذا دليل قوله هذا دليل قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يراك وتوكل أي فوض أمورك على العزيز الرحيم وهو الله سبحانه وتعالى حين تقوم للعبادة والصلاة وتقلبك في الساجدين يراك وأنت راكع وأنت ساجد يراك في جميع أحوال العبادة قائما وراكعا وساجدا فهو يراك سبحانه وتعالى إنه هو السميع العليم السميع لأقوالك والعليم السميع لأقوالك العليم بأقوالك سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il a fait le tafsir de chaque mot, un par un, l'explication de chaque mot de ces versets-là. Donc c'est, mets ta confiance en le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, celui qui te voit lorsque tu te tiens debout en prière, et qui voit tes mouvements parmi les gens qui se prosternent. Ça c'est le degré numéro 2 de Ihsan, c'est la preuve pour le degré numéro 2 de Ihsan, la preuve de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit « Fa'innahu yarak ». C'est-à-dire, si tu n'arrives pas à l'adorer comme si tu le voyais, alors lui, il te voit. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il te voit. Donc, quand Allah dit « tawakkal », c'est-à-dire, remets tes affaires à Allah subhanahu wa ta'ala. Remets-toi-en à Allah subhanahu wa ta'ala dans tes affaires. C'est ce que ça signifie de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nourdine. Ana bi khair wa alhamdulillah. Ça va très bien, alhamdulillah. Barakallahu fiq. MashaAllah. Khair, inshaAllah. D'accord. Le premier degré, salam alaykoum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, ça va bien? Oui, ça va très bien, alhamdulillah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Et l'autre frère, c'est Youssef. Hein? Youssef? Et lui aussi, c'est un frère converti. Haïtien. Ouais, il est haïtien. Donc, on est en train de faire un cours. On explique les questions qui ont rapport avec la foi, puis les questions de l'islam. Donc, on expliquait « At-tawakkul », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que tu t'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. En ce qui concerne ta vie, ton adoration, tous les aspects de, yani, les choses dans lesquelles tu dois mettre ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ala al-aziz al-rahim, wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu mets ta confiance en le Tout-Puissant et le Très Miséricordieux. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a plusieurs noms. Allah subhanahu wa ta'ala, il a les plus beaux noms. Les plus belles attributs, les plus belles qualités. Donc quand tu dis, quand tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois savoir qu'il est le Tout-Puissant. Et tu dois savoir qu'il est le Très Miséricordieux. Il est le plus miséricordieux. Hein? Et ensuite il dit, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ qui te voit lorsque tu te tiens, c'est-à-dire lorsque tu te tiens pour adorer Allah, tu te tiens debout pour faire ta salat, il te voit. Il te voit dans tous les instants, dans tous les moments, mais à ce moment-là, il te voit dans le sens que sois conscient qu'il est en train de te regarder dans ta prière. Alors, lorsque tu es conscient que quand tu pries à ton Créateur, il est en train de te regarder, eh bien, tu vas faire encore plus d'efforts pour te concentrer. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu vas faire encore plus d'efforts pour être concentré dans ta prière, pour avoir une présence de cœur plus grande, pour pas être en train de penser à d'autres choses pendant que tu pries. Tu es en train de prier puis tu penses à la maison, tu penses à ton travail, tu penses à tes problèmes, tu penses à d'autres choses au lieu de penser à Allah subhanahu wa ta'ala ou des choses de ce genre. Donc tu adores Allah subhanahu wa ta'ala en restant concentré et en te rappelant que Allah subhanahu wa ta'ala il a son regard sur toi. Wa taqallubaka fi sajidin. Yani il voit non seulement lorsque tu te tiens debout dans ta prière, mais il te voit également lorsque tu fais tous les différents mouvements dans la prière, lorsque tu te prosternes, lorsque tu t'inclines, et il voit ton état pendant ton adoration. Hein, comme il dit le cheikh, et donc il te regarde pendant ce moment-là, il t'observe, il te surveille. Innahu huwa as-sami'ul 'alim, c'est-à-dire c'est lui qui est l'audient. Il entend toutes tes paroles, même qu'est-ce que tu dis par exemple à voix basse. Allah subhanahu wa ta'ala, il entend tout ça. Il n'y a rien qui lui échappe. Hein? Que tu sois en train de parler tout bas dans l'oreille de quelqu'un, ou que tu parles ouvertement, il n'y a pas de secret pour Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui est caché, il n'y a rien qui lui échappe. Wa huwa al-alim, et il est l'omniscient, c'est-à-dire c'est lui qui connaît et qui sait tout à ton sujet, qui connaît tes paroles et qui connaît même qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, même qu'est-ce que tu caches, tes secrets et tout. Donc il faut que tu réalises ça pour vraiment rester conscient et avoir justement cette présence là dans ton adoration. Quand tu dis que tu dois adorer Allah comme si tu le vois comme si tu étais en train de le voir avec tes deux yeux. Hein? Tu dois l'adorer avec un niveau de foi et de conviction tel que quand tu l'adores, c'est comme si tu le voyais, il était devant toi. Et si tu n'arrives pas à ce degré-là ou à ce niveau-là de conviction, eh bien, sache que lui, il te voit. Il est en train de t'observer, de te regarder à ce moment-là. Ensuite, il dit, وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُ مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّ عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيدُونَ فِيهِ هذا دليل المرتبة الثانية وما تكون في شأن هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم في أي شأن من أمورك من أمور العبادة أو من غيرها جميع أفعالك وتحركاتك ما تكون في شأن من الشؤون وما تتلو منه من قرآن أي من الله لأن القرآن من عند الله أو الضمير راجع إلى شأن أي من الشأن الذي تكون فيه تلاوة القرآن وما تعملون ولا تعملون يعني هذا لجميع الأمة للرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من عمل أي عمل من الأعمال خير أو شر إلا كنا عليكم شهودا نراكم ونبصركم ونشاهدكم وهذا دليل لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه يراك إذ تفيدون فيه تباشرونه وتعملونه وهذا يعطي دليلا على المرتبة الثانية من مراتب الإحسان وأنه جل وعلا شهيد على كل عامل بعمله يراه سبحانه وتعالى يعلمه ويبصره ولا يغيب عنه إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Donc, le Cheikh explique l'autre verset qu'on a mentionné, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie que il n'y a pas une chose dans laquelle tu es occupé à faire, il n'y a pas une chose dans laquelle tu fais quelque chose, soit que tu récites le Coran ou bien que tu fais un acte quelconque, excepté que Allah subhanahu wa ta'ala est témoin de ce que tu fais au moment où tu es en train de le faire. Donc Allah est témoin de tout. Hein? Il n'y a rien qui lui échappe. Et la première partie du verset, quand il dit وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse directement au prophète quand il dit ça. Hein? Il dit, tu n'es pas en train de faire une d'entre tes affaires. Peu importe quelle affaire, que ce soit dans l'adoration ou autre, ou dans tous tes mouvements, dans toutes tes actions, hein? Peu importe l'affaire que tu fais, hein, il te voit et il t'observe et il est témoin. Ou bien que tu es en train de lire le Coran. Hein, parce qu'on sait que, donc il dit, minhu min Coran, c'est-à-dire, min Allah, il y en a de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran qui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien, dans le sens du fait que, lorsque tu récites le Coran, donc même quand tu récites le Coran, Allah il est témoin de ça. T'es assis en train de réciter le Coran, il te voit, il t'observe, il t'entend. Et peu importe quelle autre action que vous faites, et ça s'adresse à tous les musulmans sans exception, c'est-à-dire à toute la Ummah, au messager sallallahu alayhi wa sallam et à tous les gens de la Ummah, peu importe qu'est-ce qu'on fait, au moment où on est en train de faire une action, que ce soit une bonne action ou une mauvaise, Allah subhanahu wa ta'ala, il est là, il est témoin, il nous voit et il est témoin de ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est la preuve du degré numéro 2, lorsque on a expliqué ça hier, qu'il nous voit, il te voit lorsque tu es en train de faire cette adoration-là. Il te fait d'où la fille, c'est-à-dire peu importe qu'est-ce que tu es en train de faire, il te voit pendant que tu le fais. Et donc, ça, c'est l'explication, comme on l'a dit, du deuxième degré de Ihsan. De perfectionnement de l'adoration. Si tu sais qu'Allah te regarde, alors fais l'adoration de la meilleure façon possible. Essaie de te concentrer, essaie de le faire le mieux que tu peux, puisque tu sais qu'il te voit. Et comme on a donné l'exemple hier, si tu étais en présence, par exemple, de ton patron, tu vas faire quelque chose, tu es en train de faire un travail pour ton patron, et que ton patron, il te regarde, c'est certain que tu vas le faire le mieux possible ton travail, parce que tu sais qu'il t'observe. Tandis que si le patron n'est pas là, hein, tu vas, des fois tu vas négliger le travail, tu vas le faire n'importe comment. Mais quand le patron est là, tu fais attention. Allah subhanahu wa ta'ala, il est toujours en train de t'observer. Toujours, il sait qu'est-ce que tu fais, il te voit et il t'entend. Donc, essaie toujours de faire preuve de perfectionnement dans ton adoration ou dans qu'est-ce que tu fais, de toujours te souvenir que Allah subhanahu wa ta'ala a son regard posé sur toi. Que tu sois devant les gens ou que tu sois en privé. Hein? Donc ça, c'est très important. Et sache qu'il n'y a rien qui échappe à sa science, à son regard, il n'y a rien qui lui est caché. Et il mentionne le verset 5 dans Surat Al-Imran. Et dans ce verset, Allah dit quoi? Il dit, certes Allah, rien ne lui échappe, ni dans les cieux, ni sur la terre. Donc c'est lui qu'on adore. Hein? Notre créateur, celui à qui on prie, celui qu'on adore, c'est celui à qui rien ne lui échappe. Il connaît tout, il sait tout, il a la connaissance de toutes choses. Il n'a pas, il n'y a rien qui peut lui échapper, ni dans les cieux, ni sur la terre. C'est-à-dire que même si toi tu essayais de t'échapper de la terre, tu penses que tu peux aller quelque part dans une autre planète, une autre galaxie, tu vas t'échapper d'Allah, tu ne peux pas t'échapper d'Allah. Il n'y a pas un endroit où tu peux aller où Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas t'attraper, puisque tout cet univers, c'est lui qui l'a créé. Et tout ce monde, tout cet univers que tu vois, hein, et même qu'est-ce qui dépasse, qu'est-ce qu'on peut voir, eh bien ça c'est juste comme un grain de sel dans ta main. Lorsque tu mets une graine de sel dans ta main, eh bien ça c'est pour te donner un exemple à quel point cet univers il est petit par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il peut prendre tout cet univers dans sa main comme si l'un d'entre nous mettait un grain de sel dans sa main ou un grain de sable. On est infiniment petit devant Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Allahu Akbar, Allah c'est le plus grand, c'est ça que ça veut dire. Et naam. Donc, ça c'est à propos de ce degré-là. Amma al-ihsan bayn al-abd wal-khalq fa ma'nahu bazl al-ma'ruf lahum wa kaff al-adha 'anhum bi an tut'im al-ja'i' وتكسو العاري وتعين بجاهك المحتاج وتشفع لمن احتاج الشفاعة وتبذل المعروف جميع وجوه المعروف تكرم الضيف وتكرم الجار لا يصدر منك إلا خيرا لجارك وتكف أذاك عنه أيضا فلا يصدر منك أذى له ولا لغيره ومن الناس من لا يصدر منه إلا أذى ومن الناس من يصدر منه أذى وخير ومن الناس من لا يصدر منه إلا خير فهذا في أعلى الطبقات. Donc le cheikh explique que la deuxième catégorie d'ihsan, on a expliqué que la première catégorie d'ihsan, c'est le fait qu'on fasse preuve de bonté, hein, ou qu'on ait de la bonté ou du perfectionnement dans nos actions entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le degré, la première catégorie, de faire preuve d'ihsan dans notre relation qu'on a avec notre créateur. La deuxième catégorie, c'est de faire preuve d'ihsan, de bonté, et de perfectionner notre relation avec les autres créatures, d'être bon envers les autres créatures. Et le cheikh explique que ça signifie quoi? Ça signifie de faire des efforts pour venir en aide aux autres, de leur donner qu'est-ce qui est bien, de s'abstenir de leur faire ce qui peut leur faire du tort, de s'abstenir du mal ou qu'est-ce qui peut nuire aux autres. Ça implique également de nourrir celui qui a faim, de couvrir celui qui est nu. Ça signifie également de venir en aide à celui qui est dans le besoin par ton statut ou ton degré. Lorsque, par exemple, quelqu'un a une position, une autorité, position d'autorité ou quelque chose comme ça, eh bien, il va venir en aide à quelqu'un par son poste ou par son statut en intercédant en sa faveur ou en l'aidant de cette façon-là. Donc ça rentre aussi dans l'ihsan. Tout ça rentre dans l'ihsan. Hein? Tu dépenses du bien pour les gens. Dans toutes les différentes catégories ou différentes sortes de biens que tu peux faire. Comme par exemple, tu honores ton invité. Tu invites quelqu'un chez toi, tu l'honores. Tu lui fais honneur. Tu lui sers, hein, la meilleure nourriture. Tu lui donnes les meilleures choses à boire. Hein, tu lui donnes une place d'honneur dans ta maison. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hein, donc, tu le traites avec un respect. Hein, tu lui fais honneur à ton invité. Ça fait partie de l'ihsan aussi. Ton voisin, tu honores ton voisin. Tu agis bien envers lui. Tu as un bon comportement envers lui. Tu as un bon traitement envers ton voisin. Ça fait partie de l'ihsan. Et tu fais en sorte qu'il n'y ait rien de ta part qui vienne nuire à ton voisin. Que tout ce qui sort de toi vis-à-vis de ton voisin, c'est du bien. Hein? Ça c'est important, ça. Hein? Même si lui, parfois, il va te faire du tort, ton voisin, malgré tout. Lui, il te fait du mal, toi, tu lui remets du bien. Donc, tu te retiens ou tu t'abstiens de faire du tort aux autres. وَلَا يَسْتُرُ مِنْكَ أَذًا لَهُ وَلَا لِغَيْرِهِ. Tu ne vas pas faire du tort à personne, ni à lui, ni à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, ni à ton voisin, ni à quelqu'un d'autre que ton voisin. Et il y a parmi les gens de qui on ne reçoit aucun méfait ou aucun mauvais traitement ou aucune nuisance. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne nous font aucun tort. Tandis qu'il y a d'autres personnes, ils nous font du bien et du mal en même temps. Ou ils nous nuisent et ils nous font du bien en même temps, les deux. Et il y a d'autres personnes de qui il n'y a yani, que du bien. Il y a ceux qui font que du mal, il y a ceux qui font du bien et du mal, et il y a ceux qui font que du bien. Et ceux qui font que du bien aux autres, ça c'est le plus haut degré, le plus haut niveau de la foi et de l'ihsan. Yani, si quelqu'un fait des efforts pour être bon et être muhsin, c'est possible. Peut-être qu'il peut arriver à, parfois il va essayer de faire son possible pour faire que du bien aux autres, mais ça se peut qu'il fasse du tort aux autres sans le vouloir nécessairement. Hein? Des fois c'est pas pareil. Des fois on fait du mal aux autres sans vraiment le vouloir. Hein? Mais c'est-à-dire que quelqu'un fasse du tort aux autres intentionnellement, est-ce que quelqu'un est capable de s'abstenir de faire ça? Oui, c'est possible. C'est pas impossible. Mais il faut travailler fort. C'est ça le point là-dedans. C'est que si tu veux arriver à atteindre ce degré-là, il faut vraiment faire beaucoup de travail, beaucoup d'efforts sur ta personne. Et d'être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ensuite, il dit, وَبَذْلُ الْخَيْرِ لِلنَّاسِ وَكَفُّ الْأَذَى عَنْهُمْ هو الإحسان للناس وأحسنوا إن الله يحب المحسنين حتى البهائم يجب أن تحسن إليها بأن تهيئ لها ما تحتاج إليه وتمنع الأذى عنها وترفق بها وهذا من الإحسان إلى البهائم. Donc le cheikh il dit, tu dois faire preuve de bien et d'être bon avec les gens en général et t'abstenir de leur faire du mal. Ça, c'est l'ihsan envers les gens. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 195, dans surat Al-Baqarah, il dit « وَأَحْسِنُوا » C'est-à-dire, faites preuve d'ihsan envers les gens. Car Allah aime ceux qui sont muhsinin, c'est-à-dire ceux qui agissent bien avec les autres. Donc, dans cette catégorie d'ihsan, l'ihsan c'est dans le sens de faire du bien et d'être bienfaisant envers les autres. Et il dit, même envers les animaux, tu dois faire preuve de ihsan. Donc, dans l'islam, on doit être bon même avec les animaux. C'est-à-dire que tu dois leur préparer ce qu'ils ont besoin, tu dois leur donner ce qu'ils ont besoin pour manger et autres, et tu dois t'abstenir de leur faire du tort, et tu dois leur agir de façon, être doux envers les animaux aussi, et ne pas être cruel envers les animaux, comme on parle maintenant de cruauté envers les animaux. Ça, c'est pas permis dans l'islam, d'être cruel envers les animaux. Il faut leur faire preuve de bonté. Il faut être bon envers les animaux aussi. Donc ça, c'est un point important. Donc si on doit être bon envers les animaux, alors que dire envers les êtres humains? C'est encore plus important d'être bon envers les animaux, les êtres humains. Si vous savez, il y a des hadiths comme le hadith qui mentionne qu'il y a des personnes qui ont été en enfer à cause qu'ils ont maltraité des animaux, subhanallah. Il y a une femme, on mentionne qu'elle a été en enfer parce qu'elle a attaché un chat et elle ne lui a pas donné sa nourriture. Donc le chat, il est mort. À cause de ça, elle a mérité l'enfer. Donc on doit être bon même envers les animaux. Et il y a une femme qui est rentrée au paradis parce que elle a abreuvé un chien assoiffé. Le chien avait soif. Il était en train de lécher le sable. Il avait très soif. Il mourait de soif. Et ben elle est descendue. Et cette femme, c'était une femme qui faisait des péchés. C'est-à-dire, elle était une croyante. Faut pas croire qu'elle était mouchrika puis. Et elle faisait juste des péchés comme ça. Non, elle faisait l'adultère. C'était une femme qui faisait l'adultère. Mais elle était sur le tawhid. Elle était croyante. Elle est descendue dans le puits. Elle a pris de l'eau avec sa chaussure. Puis elle a abreuvé le chien. À cause de ça, Allah l'a fait rentrer au paradis. Donc, ça c'est un exemple de bonté envers les animaux. Et la récompense que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné pour cette action-là, c'était pas envers un être humain, mais quand même Allah subhanahu wa ta'ala a calculé ça comme étant un acte de bonté. Ensuite, le cheikh il dit: حَتَّى الْمُسْتَحِقْ لِلْقَتْلِ لَا تُعَذِّبْهُ بَلْ تَقْتُلْهُ قَتْلَةً حَسَنَةً مُرِيحَةً مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَإِنَّهُ يُنَفَّذُ فِيهِ بِرِفْقٍ لا تمثيل ولا تعذيب ولا صبر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح أو الذبح في القصاص أو غير ذلك مما يلزم الحد. فإذا ذبحتم أي ذبحتم الحيوانات المأكولة فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته فتحسن حتى للبهائم. وقد غفر الله للبغي من بني إسرائيل، لبغي يعني من بني إسرائيل، بسبب أنها سقت كلبا رأته يلهث من العطش فسقته فشكر الله لها فغفر الله لها ذنبها، وهو ذنب عظيم وهو البغى أي الزنا، فغفر الله لها بسبب ذلك لأنها أحسنت إلى هذا البهيم العطشان. فكيف بغير الكلب إذا أحسنت إلى جائع من المسلمين، إذا أحسنت إلى جائع من المسلمين أو حتى من بني آدم ولو كان كافرا، إذا أحسنت إليه فإن الله جل وعلا يشكر لك ذلك الإحسان. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Donc le cheikh il explique que même lorsqu'une personne mérite d'être exécutée pour un crime qu'il a commis, parce qu'on sait que dans l'islam, pour certains crimes, il y a une peine prescrite et c'est la peine de mort. Et bien, même dans des cas où quelqu'un doit être exécuté pour avoir commis un crime spécifique, et ça bien entendu c'est dans un pays musulman où il y a l'application des règles de l'islam, hein, c'est pas, et puis c'est pas n'importe qui applique ça, c'est, bien entendu, c'est le juge. Après que la personne ait été jugée dans un tribunal, devant les juges, avec les témoins, et qu'il a été, il a eu un jugement, ou, comment on appelle ça? Il a eu, en tout cas, il a eu un trial, en français, comment on dit un trial? Non, pas une sentence. Bon, le mot en français, ça me vient pas. Il a eu un procès, c'est ça, il a eu un procès. Selon les règles de la charia, eh bien, si par la suite le juge mentionne que cette personne-là, pour le crime qu'il a commis, comme s'il a tué quelqu'un, ou des choses comme ça, il mérite d'être exécuté à son tour, selon les lois de la justice, et selon les lois du talion, qu'on dit en arabe, al-qisas, eh bien, on va appliquer sur lui cette peine. Et même dans ces cas-là, cette peine doit être appliquée avec douceur. Hein, dans le sens qu'on ne doit pas torturer la personne. Wa alaykoum salam. On ne doit pas torturer la personne. On ne doit pas la faire souffrir. Hein, il faut que ce soit rapide et net, hein, propre. C'est pas pour faire souffrir la personne le plus longtemps possible, non. Et le prophète salam, il a dit justement à ce sujet-là que Allah subhanahu wa ta'ala, il a prescrit la bonté et al-ihsan dans toute chose. Lorsque vous tuez par exemple un animal, lorsque vous allez l'égorger pour le manger, hein, ou bien des choses comme ça, ou lorsque vous exécutez quelqu'un pour une cause quelconque, par exemple pour un crime quelconque, faites-le avec bonté, avec miséricorde, avec douceur, hein. Que ce soit pour une peine qu'on exécute, ou bien pour d'autres choses qui nécessitent une peine dans ce genre de catégorie-là, ou bien lorsque vous sacrifiez ou égorgez un animal pour le manger, par exemple, eh bien, faites-le bien. Pas sauvagement, pas pour faire souffrir l'animal, hein, que vous allez la tuer n'importe comment, non. Prenez une lame qui est bien aiguisée, pas un couteau qui est, avec une lame qui est, tout écorché. Comme ça, vous commencez à couper, puis ça coupe pas, ça fait mal à la bête. Non, il faut bien l'aiguiser pour que lorsque l'animal on l'égorge, hein, ou lorsqu'on la sacrifie, ben ça va se faire facilement et ça va pas faire mal à l'animal. Donc, on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a mentionné tout à l'heure, Allah a pardonné à une prostituée parmi les fils d'Israël. À cause du fait qu'elle a abreuvé un chien assoiffé, hein? Donc elle a abreuvé ce chien. Allah subhanahu wa ta'ala l'a remercié en pardonnant son péché, le péché qu'elle faisait. Et on sait que ce péché-là, c'est un très très grand péché. La prostitution, c'est un péché très grave. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné à cause de ça. Hein? Donc pourquoi? Parce qu'elle a été bonne envers un animal qui avait soif. Donc, si c'est le cas pour un chien, imaginez celui qui nourrit un musulman parmi les musulmans qui est affamé. Il lui donne la nourriture. Ou bien, même n'importe quel d'entre les fils d'Adam, parmi les êtres humains, même si quelqu'un qui est un kafir, quelqu'un qui rejette Allah, qui ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne croit pas en l'islam, que tu lui donnes de la nourriture quand il est en train de mourir de faim. Lui fait preuve de bonté, et bien ça aussi c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala, si tu le fais, Allah va te récompenser pour ça, parce que c'est de la bonté. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit et soyez bons, certes Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui sont bienfaisants, ça tous ces exemples là rentrent dans l'ihsan, ça rentre dans cette catégorie de ihsan, c'est-à-dire de faire preuve de bonté dans notre relation avec les autres créatures autour de nous. Hein? Donc ça c'est la deuxième catégorie. Puis la troisième catégorie qu'on avait mentionnée hier, hein, c'est de faire preuve de ihsan dans le sens qu'on va maîtriser l'action, le travail qu'on fait. On le fait de la meilleure façon possible, avec perfection et maîtrise. Le cheikh il dit An-naw' al-thalith wa huwa itqan al-amal. أي عمل تعمله يجب عليك أن تتقنه لا يقال إن فلانا يحسن كذا لا ليقال إن الله أو لا ليقال إن فلانا يحسن كذا وقد جاء في الحديث إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. Donc le cheikh explique comme troisième point le fait de faire une action de la meilleure façon. Peu importe qu'est-ce que tu fais, fais-le de la meilleure façon. Et c'est dans tout ce que tu as appris ou dans tout ce que tu fais. Si par exemple quelqu'un, l'exemple me vient parce que je vois un musulman qui est là, qui travaille dans la construction ou des choses comme ça, tu vas bâtir un mur ou bien tu vas faire le plâtre ou bien tu vas faire poser des briques ou quoi, tu l'as appris, tu l'as maîtrisé, ton métier, tu vas faire ton travail de la meilleure façon. Tu ne vas pas faire à moitié juste pour dire, bon, je vais avoir mon salaire, juste finir vite, je vais juste poser les briques et des choses comme ça, puis après je m'en vais. Non, tu vas le faire le mieux possible. Et ce travail-là, même si ce n'est pas un travail, ça n'a pas rapport avec l'adoration directement, dans le sens que ce n'est pas une prière ou autre, un jeûne ou des choses comme ça, mais c'est un acte que tu fais, un travail que tu fais. Même dans ce travail-là, tu dois le faire à la perfection aussi. Tu, par exemple, tu es, je sais pas moi, un fonctionnaire, ou tu travailles dans un bureau, tu as une tâche à faire, tu as des dossiers à traiter, tu as des choses à faire. Tu prends des pauses de, à chaque 30 minutes, tu prends des pauses de travail, tu t'en vas te promener, tu parles avec celui-là, tu parles avec celui-là, tu parles au téléphone, tu arrives en retard à ton travail, tu négliges. Ça, c'est pas l'ihsan. L'ihsan, c'est tu dois faire ton travail de la meilleure manière. Et dans tout, de façon générale, tu vas pas faire les choses juste pour t'en débarrasser ou bien faire à la moitié, comme on dit. Ou tu vas pas faire ton travail juste pour dire un tel, il fait ça bien. Non. Tu le fais avec sincérité. Puis tu le fais avant tout pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il mentionne un hadith et il dit que en fait dans ce hadith qu'est-ce que ça dit? Ça dit que Allah subhanahu wa ta'ala aime lorsque l'un d'entre vous fait un travail qu'il le fasse avec maîtrise et qu'il le fasse avec perfectionnement. Donc c'est pas juste de vouloir faire ça pour s'en débarrasser. C'est rapporté par Al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman selon Aisha radiallahu anha. Donc ensuite, maintenant le cheikh il a terminé donc de mentionner les preuves au sujet de l'ihsan. Il maintenant il va mentionner la preuve dans la sunna de tout ce qu'on a mentionné au sujet de la religion de l'islam. Et on a expliqué donc que ce deuxième fondement dans al-usul al-salata c'est ma'rifatu din al-islam bil adilla, c'est-à-dire de connaître la religion de l'islam avec preuve. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire ensemble ce hadith de Jibril, qui est un hadith qui explique les trois degrés de l'islam en détail et qui nous explique donc qu'est-ce que c'est l'islam. Et donc toute personne qui veut connaître l'islam, s'il veut avoir une définition qu'est-ce que c'est l'islam, s'il retourne à ce hadith, il a déjà une compréhension générale de qu'est-ce que c'est l'islam, parce que ce hadith-là, il comprend tout dans l'islam, tous les points et les piliers de l'islam, les piliers de la foi et les piliers de l'ihsan. Et c'est ça qu'on a expliqué. Maintenant, on l'a expliqué avec des preuves du Coran qui sont, disons, détaillées. Maintenant, on va mentionner une preuve de la sunna qui englobe tous ces points-là dans un même hadith. Le cheikh il dit « وَالدَّلِيلُ مِنَ السُنَّةِ حَدِيثُ جِبْرِيلِ الْمَشْهُورِ عَنْ عُمَرْ رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا وعليكم السلام ورحمة الله إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا، فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. Donc ça c'est le hadith de Jibril en question. Donc qu'est-ce qu'on veut, on va le traduire en français maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Donc la preuve de la sunna au sujet de ce qu'on a mentionné au sujet de la religion, qu'est-ce que c'est l'islam, c'est, et en particulier aussi les trois degrés de l'islam, les trois degrés de la religion, c'est mentionné dans le hadith de Jibril, qui est un hadith célèbre. Et on va expliquer à la fin pourquoi on l'appelle le hadith de Jibril. Okay? C'est rapporté selon Omar, radiyallahu anhu. Il a dit, lorsque nous étions assis en présence du messager, sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, lorsqu'un homme apparut, un homme est venu vers nous. Et cet homme, il portait des vêtements d'un blanc éclatant. C'est-à-dire, ses vêtements étaient très blancs. Et il avait les cheveux d'un noir très foncé. C'est-à-dire, ses cheveux étaient très foncés. Hein? Et quand on le regarde, on ne voit aucune trace de voyage sur lui. C'est-à-dire, on ne peut pas savoir s'il a voyagé. Ses vêtements sont propres. Ses cheveux sont noirs. Il n'y a pas de poussière sur lui. Et malgré ça, personne d'entre nous ne le connaissait. Et on sait qu'à l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui. Les grandes villes, hein, ce n'est pas des grandes villes où personne ne se connaît. Comme aujourd'hui même, des fois, les gens, leurs voisins, ils ne savent pas c'est qui. Non, à l'époque, tout le monde connaît tout le monde dans la ville. Hein. Et si quelqu'un arrive et on ne le connaît pas, ça veut dire que c'est un voyageur. Il vient d'ailleurs, donc on sait que c'est un étranger. Mais lui, il n'a aucune trace de voyage sur lui. Et personne ne le connaît. Donc ça, c'est étrange. Alors, il vient et il s'assoit directement devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il aligne ses genoux avec les genoux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il s'assoit directement en ligne avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il place ses mains sur ses cuisses. Et il dit, ô Mohammed, informe-moi de ce qu'est l'islam. Et dis-moi, qu'est-ce que c'est l'islam? Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il répond. Il dit, c'est que tu témoignes et que tu dises que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. C'est-à-dire, ashhadu an la ilaha illallah. C'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et que Mohammed est le messager d'Allah. Donc ça, c'est le premier pilier de l'islam. Ensuite, le deuxième pilier, que tu établisses la salat. C'est-à-dire que tu fasses ta prière, 5 prières par jour. Ou tu'ti az-zakat, tu donnes la zakat. Et que tu fasses le jeûne du ramadan et que tu fasses le pèlerinage à la Mecque, hein, al-Bayt, si tu en as les moyens et si tu as la capacité de le faire. Et l'homme en question, il répond, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu as dit vrai, sadaqt. Alors, les sahaba qui sont présents, qui regardent le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec cet homme, ils sont étonnés. Ils sont étonnés parce qu'ils se disent, mais comment est-ce possible? Cet homme, on ne le connaît pas, c'est pas un voyageur, il vient comme ça, il pose une question au sujet du messager d'Allah. C'est le messager d'Allah, c'est lui qui reçoit la révélation d'Allah. Personne en dehors de lui connaît ces choses-là, excepté s'il a entendu du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc il vient, il demande, qu'est-ce que c'est l'islam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ce sont les 5 piliers, de témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, ça c'est la base de l'islam. Le deuxième, c'est de faire la salat, de donner la zakat, de faire le jeûne de Ramadan et de faire le hajj. Et lui, qu'est-ce qu'il répond cet homme? C'est lui qui pose la question et il dit, tu as dit vrai. Alors les sahabas sont en étonnement. Hein? Il demande et il dit, oui, tu as raison. Hein? Ensuite, il pose une autre question. Il dit, donne-moi l'information, qu'est-ce que c'est l'iman? Qu'est-ce que c'est la foi? Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui explique qu'est-ce que c'est la foi. Il dit, la foi c'est quoi? C'est que tu dis, hein, que tu crois en Allah, premièrement. On a déjà parlé de ça déjà lorsqu'on a expliqué les six piliers en détail. Ça c'est juste pour rappeler ces choses-là, mentionner ou traduire le hadith seulement. Mais sinon, pour expliquer la foi en Allah, si on commençait à l'expliquer maintenant, ça prendrait peut-être une heure ou deux, ou même on pourrait passer un bon moment pour l'expliquer ça en résumé seulement. Mais sinon, si on veut en parler de façon plus détaillée, qu'est-ce que ça veut dire croire en Allah, ça prend des cours et des cours, parce que il y a beaucoup de choses à expliquer à ce sujet-là. Mais sinon, de façon générale, de croire en Allah, ça implique premièrement de reconnaître son existence, ça implique de croire que c'est lui seul qui est le maître créateur de toutes choses, que c'est lui le pourvoyeur, que celui qui fait vivre, qui fait mourir, qui contrôle tout dans l'univers. Ça implique que c'est lui seul qui mérite d'être adoré, rien d'autre que lui ne mérite d'être adoré. Et ça implique aussi que yani, c'est lui yani seul qui a les attributs de perfection et les noms, les meilleurs noms, et que rien ne lui ressemble. Hein? Que rien ne lui ressemble, et que on ne doit pas lui donner yani, d'égo et de semblable, hein? Ou demander à son sujet des questions qu'on ne peut pas connaître, comme par exemple comment, à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment il est, hein? Ou comment il fait, ou ainsi de suite, ou bien pourquoi aussi, ou des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ça, c'est de façon générale. Ensuite, c'est de croire en Allah. Ensuite, de croire aux anges. Ensuite, de croire aux livres révélés par Allah. Ensuite, de croire aux messagers. Ensuite, de croire au jour dernier. Ensuite, et ça c'est le dernier, de croire en la prédestination. C'est-à-dire de croire en ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné, de bien ou de mal, pour chaque créature, pour chaque être, hein, sur la terre. Et l'homme a répondu, il a dit, Sadaqt, tu as dit vrai. Hein? Et ensuite, il pose une autre question. Il dit, donne-moi, informe-moi au sujet de Al-Ihsan. Al-Ihsan, c'est le troisième degré de la religion. Il a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a expliqué tout à l'heure, et il lui a dit, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si tu n'arrives pas à l'adorer comme si tu le voyais, alors lui, il te voit. Certes, lui, il te voit. Ensuite, il lui pose une autre question. Il lui demande, informe-moi au sujet de l'heure. Informe-moi au sujet de l'heure. Et l'homme répond, il dit, mal mas'oul anha bi'a'lama min as-sa'il. C'est-à-dire, la personne qui est questionnée au sujet de l'heure du jugement dernier, quand est-ce qu'elle va venir, il ne le sait pas plus que celui qui pose la question. C'est-à-dire, je ne le sais pas autant que toi. Personne ne sait quand est-ce que l'heure du jugement dernier va venir. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît la réponse à cette question-là. Alors, l'homme, il pose une autre question. Il dit, فَأَخْبِرْنِ عَنْ أَمَارَاتِهَا. Donne-moi l'information au sujet des signes de l'heure du jugement dernier. Tu ne connais pas l'heure. Tu ne connais pas quand est-ce que l'heure va venir. Tu ne connais pas le jugement dernier, ça va être quand. Mais est-ce que tu peux me dire les signes qui indiquent que l'heure approche? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond en donnant deux signes. Le premier signe qu'il a mentionné, c'est que tu vas voir les yani al-hufat. Al-hufat, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de chaussures. Al-urat, c'est-à-dire ceux qui sont nus. Al-al, c'est-à-dire sont pauvres. Ria asha, c'est-à-dire c'est des gens qui font, c'est-à-dire c'est comme des pâtres, c'est des gens qui ont des troupeaux de moutons, hein, des choses comme ça. Ils les font aller dans le pâturage, là où il y a de l'herbe, pour aller les faire manger. Ils s'occupent des troupeaux. Ils sont pauvres, ces gens-là, en général. Eh ben, tu vas voir ceux-là, ils vont se faire la compétition les uns les autres dans la hauteur des bâtiments et des constructions. Hein? Ça, c'est quelque chose qui est en train de se produire maintenant. Des bédouins dans le désert qui n'avaient rien, qui cherchaient des choses à manger, ils trouvaient pas, même des feuilles parfois, ils trouvaient rien à manger. Et là, maintenant, aujourd'hui, ils vivent dans la richesse et ils sont en train de se compétitionner dans la hauteur des immeubles qu'ils sont en train de construire. Ils veulent construire les immeubles les plus hauts du monde. Et dernièrement, à Dubaï, vous avez vu, par exemple, un immeuble, je ne sais même pas combien d'étages, et là, il y en a un qui veut en faire un plus grand que ça. Ça, c'est pour montrer, hein, des exemples, qu'ils se font la compétition maintenant dans la hauteur des bâtiments. C'est quelque chose qui se passe. Hein? Donc ça, c'est des choses étonnantes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait annoncé depuis 1400 ans. Plus que 1400 ans. Donc ça, c'est un exemple, hein, qui prouve même que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est, ça vient de la révélation divine. Que c'est Allah qui lui a révélé ces choses-là. Parce que lui, il ne peut pas connaître l'avenir. Mais c'est Allah, c'est Dieu qui lui mentionne ces choses de l'avenir pour que ça raffermisse la foi des croyants lorsqu'ils entendent ces choses-là. Et pour nous avertir aussi contre ces choses-là aussi. Et le deuxième signe qu'il a mentionné, c'est ça c'est le premier en fait, moi je l'ai inversé. Le premier, c'est que la maîtresse va mettre au monde que l'esclave va mettre au monde sa maîtresse. L'esclave va mettre au monde sa maîtresse. Et on va expliquer, qu'est-ce que ça signifie. Il y a déjà des explications que le cheikh il va donner à ce sujet-là, mais sinon, il y a juste pour expliquer l'exemple que à la fin des temps, c'est les enfants qui vont devenir les maîtres de leurs parents. La fille devient la maître de sa mère. Elle ordonne à sa mère. Elle devient comme servante de sa fille. Ça, c'est un signe du jugement dernier. Et c'est quelque chose qu'on voit maintenant. Alors, ensuite, lorsque le prophète Sansam a répondu sur ces questions-là, qu'est-ce qu'il a fait, hein, l'homme, il s'est levé, il est parti. Alors, ils sont restés comme ça un bon moment. Et après quelques temps, le prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam a dit à Omar ibn Khattab, celui qui rapporte cette histoire et qui nous rapporte, donc il nous dit qu'est-ce qui s'est passé, c'est lui qui nous a raconté ça. Eh bien, il dit, le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, oh Omar, est-ce que tu sais qui était cette personne qui est venue poser des questions? Il dit, Allah et son messager savent mieux. Alors, le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam répond et il dit, c'était Jibril. C'est-à-dire, c'était l'ange Gabriel. C'est lui qui est venu sous la forme humaine pour vous enseigner votre religion. Donc, cet homme-là qui est venu, que personne connaissait, qui avait aucune trace de voyage sur lui, c'était pas un être humain. C'était un ange qui est venu en apparence humaine pour donner une leçon aux compagnons du prophète Sallam pour leur enseigner qu'est-ce que c'est l'islam. Et ce hadith-là, il est resté aujourd'hui jusqu'à nos jours, justement pour que ce soit une leçon pour nous aussi, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce que c'est l'islam, de façon générale et pour clarifier pour nous les principes, les piliers et les règles de la religion. Donc c'est un hadith parmi les plus importants hadiths de l'islam pour connaître la religion. Et ça fait un bon résumé. Donc, Inch'Allah, je pense que, je ne sais pas si on continue ou on s'arrête ici, parce que déjà ça fait 1h15. Donc, on va s'arrêter. Puis, au prochain cours, Inch'Allah, on va repasser par-dessus l'explication du Cheikh Al-Fawzan